Salut Charline. Alors il nous reste un mois, c'est la dernière ligne droite, on ne lâche rien. Ok. Tu veux qu'on change des choses? Non, je veux qu'on reste concentré sur l'objectif. Ok, ça marche. Je veux que les gens partent cet été en disant vite que les vacances se terminent pour qu'on les retrouve. Voilà, l'objectif. Bah, disons, s'ils sont contents de nous retrouver, c'est déjà pas mal, je trouve. Non, moi je veux plus, moi je veux du manque. Oui, voilà, du manque. Mais alors, même nous, entre nous, tu vois, on va être contents de se retrouver. Ouais, mais de là à parler de manque. Je vais pas vous manquer. Si, non, parce que moi, vous allez beaucoup me manquer. D'ailleurs, pour éviter ce manque, j'ai trouvé une tranche horaire en juillet et août sur RLGM. Quoi? Et Radio La Grande Motte. Mais non, mais attends, mais moi j'ai des vacances, moi. Des quoi? Des vacances. Non, mais c'est rien, c'est 4 heures de direct tous les jours. Mais j'ai loué à Saint-Tropez, de toute façon, c'est foutu. Non, mais moi j'ai dit que vous seriez tous là, puis les filles aussi pour préparer. Non, on se repose. Voilà, 9 mois qui nous épuisent. Petite nature. Ils vont être déçus sur RLGM. Pas de chroniqueur, pas d'attaché de production. Non, mais attends, Charline, si toi aussi t'en prenais des vacances. Hein, des quoi? Des vacances. De toute façon, tout ça c'est loin, on a encore 4 semaines de travail. Je veux que ça file droit, l'objectif. Tu lui parles de vacances, elle s'énerve. Je m'énerve pas. Je sais que si on n'est pas bon, c'est qu'à la dernière semaine. Ça va aller, c'est bon. Je vois le truc, si on n'est pas bon, on va tous se faire virer, puis on sera pas là à la rentrée. Et bien, comme ça, on manquera encore plus aux auditeurs. Voilà. Et l'été prochain, on signe 2 mois sur Radio La Grande Motte. Et ben voilà. Parce que même eux, ils voudront plus de nous après. Oh là là, faut vraiment qu'elles prennent des vacances. Des quoi? Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui ligote l'actualité avec du fil dentaire républicain. Et voici les informations qu'on va kidnapper jusqu'à 18h en dépit des lois républicaines. La droite a repeint sa façade, changé son papier à en-tête. Place aux républicains avec en prime le retour triomphal d'Éric Woerth, blanchi à la chaux comme la façade, c'en est même éblouissant. C'est moins blanc, je sais comme couleur. C'est blanc. Mais plus blanc que blanc, qu'est-ce que c'est comme couleur? L'heure de vérité aurait ouvert l'ère de la politique spectacle. Aujourd'hui, on vit à l'aune de la politique coulisse et parfois les vestiaires ne sentent pas le gel douche. Philippe, je crois que c'est peut-être à monsieur le ministre de le dire lui-même. Vous êtes un bel enfoiré. Oui, je suis un bel enfoiré. Le journal Libération change de formule. Encore? Oui, il change aussi souvent de formule que de directeur. Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça? Et pour ligoter ces 3 informations au fil dentaire, je suis accompagnée d'un arracheur de dents, Alex Vizorek. Qui ne change jamais de formule. Bonjour Charline Vanhoenacker. Et aujourd'hui, grosse équipe autour de la table, l'équipe type. À 17h20, le génie philosophico-musical de cette émission. Ces chroniques sont comme la Rome antique, tous les chemins mènent à leur compréhension. Bonjour André Manoukian. C'est pas Manoukian. Allez, d'accord. De quoi va-t-on parler? Bonjour Alex, bonjour Charline. On va parler d'une amérindienne somptueuse qui s'appelle Pourafé et qui nous a fait un album produit par des Français, parce qu'il y a toujours eu une histoire d'amour finalement entre les Français et les Indiens. Très bon pitch. Est-ce que André, c'était les Hurons ou les Iroquois? Je ne me souviens plus. Ça va me revenir. De toute façon, vous allez choisir le mauvais. À 17h30, ce samedi a été remis le fameux prix Albert Londres, symbole de l'excellence en journalisme. Eh bien, figurez-vous qu'il ne l'a pas eu. Non. C'est dire si le jury ne comprend rien à sa profession. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi, je suis allé hier à Roland-Garros pour voir des gros blaireaux de riches qui regardaient d'autres blaireaux encore plus riche tapé dans une baballe. Ça, c'est pas très gentil. Non, mais bon, je résume, je synthétise. Et à 17h40, la tête de cette émission. Et si tous les cerveaux étaient perchés sur des physiques comme le sien, les intellectuels seraient beaucoup plus considérés dans ce pays et les top modèles défileraient dans des bibliothèques. Bref, un monde idéal où toutes les femmes seraient des Clara Dupont-Mono. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Alex. Ça valait la peine d'attendre le week-end. Ça met la bande son, dis donc. Alors, Roland Garros, justement, nous a offert un beau moment de cool hier. Mais qu'est-ce que le cool? Vous demandez-vous, Alex? Réponse avec un livre sur le cool. Le cool, c'est aussi Si tu écoutes, j'annule tout, qui est sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, parce que c'est trop le swag de liker. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence. Aujourd'hui, un journaliste de la République. À ne pas confondre avec un journaliste républicain, attention. Vous êtes né sous Alain Poher, qui assura l'intérim entre De Gaulle et Pompidou. Vous entrez au service politique de Libération en 1994, quand Robert Rue succède à Georges Marchais à la tête du Parti communiste. Vous publiez votre premier roman en 2008, l'année où Rachida Dati est enceinte du Père ou du Saint-Esprit, on ne sait toujours pas. Vous devenez journaliste politique au Monde en 2011, quand le Monde atteint la barre des 7 milliards d'habitants. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, Vanessa Schneider. Bienvenue sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Donc autour de cette table, outre Guillaume Meurice, il y a notre grand reporter, grand reporter au Monde et aussi dans M, le magazine du Monde, c'est Vanessa Schneider. Et vous publiez l'énigmatique Monsieur Hollande, un ouvrage dans les coulisses de l'Élysée, c'est paru chez Stock, avec le photographe Jean-Claude Coutos. Une partie texte et une partie très riche en photos. Et alors, les photos sont étincelantes parce que le château est étincelant. Et on se dit, quand on... Évidemment, on lit votre texte. C'est très doré. Alors ça, c'était, on ouvre le bouquin, on est ébloui. Si jamais vous avez une panne de courant chez vous, ouvrez l'ouvrage de Vanessa Schneider. Et encore, c'est pas du papier glace. C'est vrai. C'est vrai. Alors justement, alors ça, j'avais pas pensé à cette question avant, mais maintenant que vous me le dites, c'est pas du papier glacé, c'est du mat. Ça rend très, très, très bien. Quel choix? Alors, j'imagine que c'est Jean-Claude Coutos, le photographe qui a fait ce choix avec vous. Oui, pas de glacé, mais du mat. Oui, ouais. Il avait envie de quelque chose de plus sobre. Oui, de moins bling-bling. Parce que c'est déjà très très bling, hein, c'est sur-bling. Alors, on se rend compte, en ouvrant votre ouvrage, que le président vit réellement dans un musée. C'est un musée et dès qu'il emménage, il est débranché de son époque. C'est pas possible autrement. Bah, c'est un château, en fait, l'Élysée. C'est un lieu de réception. C'est un lieu où on faisait des fêtes, on fait des dîners officiels, on reçoit beaucoup de monde. C'est pas un lieu de travail, c'est pas un lieu de bureau. Donc c'est un endroit assez biscornu. Il y a tous les salons d'apparat et puis en haut il y a des espèces de bureaux qui ressemblent à des cagibis tout petits où les conseillers grimpent des escaliers. Où il y a des annexes également parce que tout le monde ne peut pas être contenu dans le palais de l'Élysée en lui-même. Donc il y a des annexes. On est obligé de traverser les rues pour aller dans tel ou tel bureau, c'est pas fonctionnel du tout. Mais François Hollande ne travaille pas dans une salle à manger quand même, il a bien un bureau. Il a un beau bureau. Pourquoi François Hollande il a un très beau bureau, il a le bureau des présidences qui reste toujours le même. Nicolas Sarkozy avait pris un deuxième bureau, parce qu'il lui fallait un deuxième bureau, donc il avait pris un deuxième bureau. Attention, parce qu'en Afrique, un deuxième bureau, ça veut dire autre chose. Ça veut dire qu'on a une maîtresse. Non, c'est vrai. Mais lui a repris le bureau des présidents, où il y a toujours, d'ailleurs, il y a toujours le bureau du général de Gaulle, l'ameublement. Oui, alors voilà, ça ne bouge pas. D'ailleurs, il y a une photo absolument stupéfiante donc de François Hollande dans la partie privée, une salle à manger designée par Pierre Paulin sous Georges Pompidou, qui revient du futur, qui est assez incroyable. C'est vrai que ça, c'est les seules modifications vraiment qui ont été faites à l'Élysée. C'était Pompidou qui adorait l'art contemporain et qui avait demandé un peu qu'on innove. Donc, il avait demandé à Paulin de faire 3 pièces. Il y avait cette salle à manger qu'on voit en photo, il y avait un fumoir, c'était l'époque, hein, on fumait beaucoup, donc il y avait un fumoir. Et il y avait une troisième pièce qui était une bibliothèque. Il avait fait faire ça, et après il avait tellement peur des critiques qu'on dise qu'il avait dénaturé l'Élysée, qu'il n'est même pas venu pour l'inauguration. Et en fait, le public, quoi, la presse était assez conquis, donc il les a utilisées, ces pièces. Et Giscard est arrivé, il a dit « c'est quoi cette horreur ?» Et il a voulu qu'on enlève tout, sauf cette salle à manger qui était trop compliquée à démonter. Et qui est resté tel quel. Le goût de la décoration. Utilisé par personne. Hein. Le goût de la décoration, de la moquette et des boiseries, c'est quand même toujours d'actualité. Alors, dans la partie texte, Vanessa Schneider, vous dites assez tôt dans le livre, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur le décalage entre les blagues potaches qui s'échangent sous les dorures et l'anxiété des Français. Pourtant, l'humour, ça permet de désamorcer le réel, comme par exemple chez les médecins ou chez les flics qui font beaucoup d'humour pour comme une sorte de catharsis. Et vous trouvez que chez François Hollande et ses collaborateurs, c'est parfois de mauvais aloi où ça crée un décalage? Non, mais chez François Hollande, c'est certainement un moyen de protection et de mise à distance. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu troublant parce qu'il ne se passe pas un moment, une réunion, que ce soit des réunions en petit comité, cabinet, ou des réunions avec des ministres, ou avec n'importe qui d'autre, il ne peut pas s'empêcher de faire des blagues, même sur les sujets les plus graves. C'est même quelqu'un... un crash d'avion, vous dites. Oui, c'est quelqu'un qui est capable de faire une blague sur le crash aérien, le lendemain du crash aérien. Oui, mais c'est ça, c'est de l'humour ou du cynisme, où la frontière est quand même très difficile à déceler. C'est de l'humour, parce que c'est vrai qu'il est assez drôle, mais il ne peut pas s'empêcher de plaisanter, mais du coup, on se demande

Ce week-end, l'UMP a été rebaptisé les Républicains. Les Républicains ont été portés sur les fonts baptismaux. Les Républicains vont donc permettre à la droite de repartir à zéro. Oui, donc de repartir de là où ils sont depuis 3 ans. Congrès low cost chez donc les Républicains. Alors le parti avait suggéré aux militants d'apporter leurs sandwichs, mais 5 food trucks étaient installés sur le parking. Oui, déjeuner low cost à base de hot dog, mais la saucisse était républicaine. Et une formule était disponible pour les militants, un pack à 50 € avec un sandwich, une boisson, un t-shirt et un tube de vaseline. Voilà, et dimanche soir, tout fier, Nicolas Sarkozy est allé débriefer son congrès chez Julien Bugier sur France 2, pensant s'offrir une tribune bonus. Mais pas de chance, David Pujadas était en vacances et Julien avait décidé de mieux interviewer Nico qui ne l'avait fait avec Florent Manaudou à l'époque. Mais est-ce que c'est une bonne idée, après une interview légèrement tendue, de faire ceci? Un tout dernier mot, Nicolas Sarkozy, si vous le voulez bien, sur vos ennuis judiciaires. La justice a validé il y a toujours ces fameuses écoutes téléphoniques dans le cadre de la procédure pour trafic d'influence et corruption. Voilà, l'autre le regarde un petit peu, et donc la fleur au fusil continue, il y pose la question, il dit si vous êtes encore dans les affaires, est-ce que vous vous présentez en 2017? Ce qui, comme le dit Julien, est une... Question simple. Alors permettez-moi une réponse. Est-ce que vous n'avez rien appris de ce qui vient se terminer avec le procès Bettencourt? Ce n'est pas la même affaire. C'est le même principe. Aïe. On n'a pas du tout lui dire à Julien. Laurent Delahousse aurait pu lui rappeler la règle d'or de l'interview sur le service public. Ne jamais interrompre Sarkozy quand il donne une réponse qui ne correspond pas à la question posée. Et ça, Sarkozy, ça l'a surpris. Il a même bugué. Réécoutez. Ce n'est pas la même affaire. C'est le même principe. C'est long. Et voilà ce qu'il se dit, Sarkozy, exactement pendant ce moment. Ce n'est pas la même affaire. Si je passe Bugier, je te fais virer. Voilà, ça rentre, c'est tout pile, c'était ça. Voilà, merci pour ce décryptage de l'information. Hein. Alors passons à Bernard-Henri Lévy, qui s'est fait entarter ce samedi pour la 8e fois. Oui, et vous savez ce que c'était comme gâteau? Non, alors, en tout cas la seule chose dont je suis certaine, c'est que ce n'était pas un diplomate. Ah bon? Non, parce qu'il n'est pas fou l'entarteur, il sait que BHL est diplomate, il les contourne. C'est pas faux. Et on termine par une dernière info. Qui nous vient d'Italie. Oui, en campagne pour les élections locales, Silvio Berlusconi apportait son soutien à une candidate près de Milan. Sauf qu'en arrivant à Segrate, la petite ville, il s'est trompé de meeting et il est venu encourager les militants de son opposant de gauche. Donc si ça arrivait en France... Eh ben oui, mais ce week-end, si Alain Juppé s'était rendu à un meeting du PS, il se serait sans doute fait beaucoup moins siffler. Et on termine par Dominique Strauss-Kahn qu'on a revu dans les allées de Roland-Garros. Oui, il est venu assister à quelques matchs du tableau masculin. Ah, tiens, masculin. Oui, parce que le tableau féminin, ça l'angoisse. L'idée de voir deux filles de l'Est s'échanger des balles qui ne sont pas les siennes, il ne peut pas le supporter. Vous aurez peut-être vu aussi qu'il était au match du PSG, dans les tribunes du Parc des Princes. Il est très sportif en ce moment. Mais... avec une photo qui circule sur le net, où il est légèrement grimaçant, en remontant sa braguette devant une charmante jeune fille. Ou en la descendant, on ne sait pas. C'est une image. C'est vrai, ouais, c'est toujours très très chic. Jusqu'à 18h, on met l'actualité dans la prise en compagnie de Vanessa Schneider, grand reporter au Monde. Et avec vous, on va éclairer 3 sujets et les approfondir comme jamais dans cette émission. D'abord, l'UMP a été rebaptisé, tous ses péchés paraissent comme dissous par magie. Et même Éric Woerth est revenu blanchi, tout auréolé de sa relaxe. Il est réapparu tel une sainte vierge républicaine. Allez en paix, mon fils. Vous n'avez qu'à oublier toutes les histoires qu'on raconte. Évidemment, ils sont un peu rudes, mais ils ont un sens profond de l'humanité. Il suffit de les prendre par le bon bout. Si vous savez les prendre, mon fils, tout ce qui peut vous arriver, c'est peut-être du plomb à lièvre. Jamais la chevrotine. Jamais. Donc Camillo, Éric Woerth a été blanchi par la justice, notamment des soupçons d'abus de faiblesse sur Liliane Bettencourt. Et le retour d'Éric Woerth, ovationné ce week-end au congrès des Républicains, ça correspond parfaitement avec la renaissance du parti. Alors évidemment, coïncidence. Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il peut se glisser dans cette auréole qui irradie Éric Woerth? Ah oui, déjà, les changements de nom de parti, c'est jamais anodin. Hein. Moi, j'ai une petite pratique de la vie politique et j'ai vu les partis changer de nom régulièrement. Donc, on avait le Parti Républicain, après les condamnations qui a changé de nom en démocratie libérale, les centristes qui ont changé de nom aussi après des condamnations judiciaires. Bon, c'est le moyen de dire, en fait, c'était... c'est, nous sommes les mêmes, mais c'est pas nous, puisqu'on n'apporte plus le même nom, et voilà. Et donc, évidemment, que le spectre de l'affaire Big Malion n'est pas pour rien dans le changement de nom de l'UMP, parce que si jamais il y a procès et condamnation, on pourra toujours dire, en tout cas les dirigeants des Républicains pourront dire... On n'a plus rien à voir avec ça, puisque déjà, depuis 2 ans, on ne s'appelle plus alors, l'UMP. L'UMP oui. n'existe plus. Voilà. Donc toute cette grand-messe, que pour le nom, alors. Oui, oui. Alors après, il y a une dimension aussi politique. C'est pour dire, on ne refait pas la même chose. Nicolas Sarkozy, là, il faut qu'il réinvente une histoire, là. Donc, pour revenir... Puis c'est son nom. Les Français n'ont pas super envie, pour l'instant, de le voir revenir. Donc, il faut qu'il y ait des arguments. Donc, le changement de nom, ça fait partie de... C'est l'habillage politique. Mais je pense que la raison première, c'est lié aux affaires, évidemment. Alors, Éric Woerth revient donc blanchi, alors que pendant 5 années, nous, les chroniqueurs, on s'est un peu moqués. Hein, moi, jamais, mais je vous ai observé faire et c'était pas très joli. Bien sûr. Et puis, il y a eu énormément de papiers, le soupçon qui a plané, etc. Et puis, le jour où un homme politique bénéficie d'un non-lieu ou d'une relax, bon, ben voilà, c'est acté, c'est la relax ou le non-lieu, il y a un ou deux papiers, et puis, ben, c'était, on passe à autre chose. Est-ce qu'il y a une autocritique ça, qui se fait C'est ce qu'ils disent tous. Oui, c'est ce qu'ils disent tous. Les politiques qui sont mis en examen, ils disent toujours, on fait des tonnes de papiers sur nous quand on est mis en examen. C'est pas la réalité. Et puis après, quand on est blanchi, bon, là, si, tout le monde sait que Éric Woerth est blanchi. Après, qu'il soit ovationné, Alain Juppé, c'était pareil, hein, quand il a, quoi, lui, il a eu une condamnation, mais après, ouais. quand il était revenu, il était aussi. De sa traversée du désert au Québec, le voilà, fameux désert du Québec. Il a été, après, aussi ovationné, par les siens, donc Éric Woerth c'était le fidèle lieutenant de Nicolas Sarkozy, ministre arrêté en pleine ascension, non ? On avait parlé de lui pour Matignon. L'ascension que lui se voyait. Ça, le oui, grand drame d'Éric Woerth, c'est qu'il n'a pas été Premier ministre. Je ne suis pas sûre qu'il aurait été s'il n'avait pas eu ses ennuis dans l'affaire Bettencourt. Mais non, ce qui est un peu choquant dans ses formules, on a voulu m'assassiner et tout ça, c'est... Le nombre de Français qui se retrouvent, oui. dont personne n'entend jamais parler, qui se retrouvent mis en examen, en détention préventive pendant des années, et qui pour le coup perdent tout, perdent leur boulot, perdent tout, et bon. Nos politiciens sont, pas derrière, donc, voilà. sont de grands tragédiens. oui, Éric Woerth, il a peut-être que son ascension a été un peu freinée, si tant est qu'il ait eu un destin. On peut le voir, en tout cas, celui qu'il. Mais évidemment, il a une deuxième chance. Et puis, il n'a pas perdu grand-chose. Il a été réélu. Il a été. Voilà. André Manoukian, après ces histoires de justice et cette tragédie politique, sans doute un peu de musique va adoucir les mœurs. De musique de chaman. Enfin, une vraie chanteuse chamanou. Ouais. Elle s'appelle. Une chamanou. Mais oui, je sais pas, c'est pas le féminin de cham. Si, chamanette, on dit chamanou, chamanette, on peut dire les deux. La cosmogonie des Amérindiens est une des plus belles qui soit. C'est quoi la cosmogonie ? C'est une représentation du cosmos. C'est se donner la possibilité, à travers un mythe, d'avoir une vision globale de l'infini qui nous entoure. Autant dire qu'à la Renaissance chez nous, le modèle a explosé quand on s'est rendu compte que la Terre tournait autour du Soleil et non l'inverse. Et nous voilà découvrant que nous ne sommes qu'une poussière d'étoiles qui dérive aux confins d'une galaxie qui elle-même dérive à l'intérieur d'un ensemble infiniment plus vaste, qui de surcroît est en expansion, ce qui fera dire à Blaise Pascal « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie » et à Woody Allen « Si ça se trouve, nous ne sommes que dans le rêve d'un chien ». La vision des Indiens, elle, n'a pas changé depuis 20 000 ans. Nous vivons de la Terre. Il faut la respecter. Elle est Mother Earth, notre mère. Elle nous nourrit, nous habille, nous coiffe avec le vent, nous arrose avec la pluie, nous fait naître et nous rend à l'espace quand tout est fini, afin que le cycle recommence à nouveau. C'est pas cool ça, Clara, franchement. Merci, Charline. C'est la plus belle, religions cool. Tout n'est qu'échange chez les Indiens. Le rien ne se perd, tout se transforme. De Lavoisier est chez eux beaucoup plus respectueux. Je remercie les plantes de me donner leur énergie. Je remercie le soleil de m'éclairer tous les matins. Et quand je tue un animal pour le manger, j'invoque son esprit auparavant pour lui demander pardon. Et puis je le remercie ensuite du transfert de calories. Pas comme en politique. Et puis je prends un petit peu de sauce barbecue quand même. Voilà. Faut quand même pas déconner. Soit dit au passage, une étude scientifique révélait récemment que les gens qui rendaient grâce avant un repas digérer mieux que ceux qui ne prient pas. Voilà pourquoi, Charline, je vous propose une action de grâce tous les matins lors de votre conférence de presse. Vous dirigerez de conférence de rédaction, pardon. Vous digérerez mieux l'actualité qui peut parfois être un peu lourde. L'animisme des Indiens d'Amérique n'a pas attendu le développement durable pour prendre conscience que nous faisons partie d'un tout. Le problème chez nous, c'est qu'on ne sait plus méditer devant un caillou dans l'eau, comme le faisait Jean-Jacques Rousseau, pas Goldman. Non. Si on savait faire ça, on se rendrait compte par nous-mêmes qu'on fait partie du grand 1. 70% des ressources naturelles du monde sont sur des territoires indigènes habités. Les peuples indigènes, en se battant pour leur survie, se battent pour nous, en fait, contre la destruction de notre eau, de notre terre, de notre air. Le 22 septembre 2014, 400 000 personnes défilaient à New York pour la Grande Marche mondiale pour le climat. En tête du cortège, les nations indigènes d'Amérique. Et voilà que ces survivants du génocide sur lequel s'est bâtie la civilisation américaine sont devenus aujourd'hui les protecteurs de la Terre. Mais la blague n'est pas finie. Non content de les avoir massacrés et parqués dans des réserves, le plus souvent désertiques, les pétroliers reviennent aujourd'hui les emmerder avec le gaz de schiste et tous les minerais que renferme leur terre. Et tout le monde s'en fout, bien sûr. La chronique de Nicolas Hulot. Pourafé, ouais, tu vas voir. Pourafé est Tuscarora par sa mère, portoricaine par son père, du sang noir coule dans ses veines. Le blues est la musique qui lie les Afro-Américains aux Indiens depuis sa naissance. On l'entend dans la musique de Pourafé. Elle se bat aujourd'hui sur tous les fronts, celui de l'environnement mais aussi celui des femmes indiennes qui par tradition sont les piliers de la communauté et possèdent de ce fait les actes de propriété des terres indiennes. Résultat, les colons les ont épousées, soumises et avilies. Des centaines d'entre elles sont aujourd'hui assassinées ou portées disparues. Un phénomène quasi sociologique. Ce sont les propos de Pourafé recueillis par Télérama. Pourafé a trouvé une tribu amie ici en France qui lui a permis d'enregistrer son magnifique album Sacred Seed, la graine sacrée, sous la houlette du guitariste Mathis Haug. C'est un label qui s'appelle Nueva Onda Records. Le chant des Indiens est d'essence chamanique. Il relie les hommes aux forces spirituelles. Écoutons le grand esprit par la voix de Pourafé. L'héritière d'une longue tradition, puisque celle est la 8e génération de chanteuses. À 100 ans. Hein. Oui, bah écoutez, j'ai fait des recherches. Hein, sous les... Bon, mais Néch, Charline, ça s'appelle. Vous, moi, vous m'écoutez. Nous sommes merci. Complémentaires, nous sommes un petit peu le yin et le yang, la cosmogonie, tout c'est ça. C'est ça. Ouais, le cerveau du haut et celui du bas. Vous êtes mon côté masculin, je suis votre voilà. côté féminin. Si vous avez aimé l'esprit de Pocahontas, eh bien, je vous aimerais pour affaire. Merci André Manoukian. Merci. Nous sommes en compagnie de Vanessa Schneider, grand reporter au Monde, qui publie un ouvrage sur les coulisses de l'Élysée, si vous êtes curieux. C'est paru chez Stock, les l'énigmatique monsieur Hollande. Et à côté de vous, Vanessa Schneider, vous allez noter, stagiaire. Futur prix Albert Londres, un grand reporter qui fait du comique d'investigation. Ah oui. C'est une nouvelle forme de journalisme. Vous nous direz ce que vous en pensez après, Vanessa Schneider. Oui, et écoutez ce que j'ai fait hier après-midi. Et voilà, vous l'avez compris, j'ai fait l'amour avec deux bûcheronnes austro-hongroises. Où ça? À Roland-Garros, bien évidemment. Le temple du tennis, un temple avec ses marchands, bien sûr. Dans le sport, on les appelle des sponsors. Par exemple, le déodorant Rexona qui proposait un concours. Il y a un défi qui devront que Tsonga devra relever. Est-ce que le défi de Tsonga, ça pourrait être de jouer bien dans une publicité? Ça, c'est pas très gentil. Ça peut être un défi pour lui. Ça peut être un défi, mais comme c'est un défi qui est censé se passer sur un court pendant l'entraînement, ça va être un peu difficile à moins de déplacer toute l'équipe de tournage, quoi. Oui, bon, il vaut mieux qu'il joue sur un court de tennis, Tsonga, parce que bon, il est tellement bon comédien qu'il ferait passer Francis Huster pour Al Pacino. Mais bon, Rexona, ce n'est pas qu'un concours pour Tsonga, ce sont avant tout des déodorants, bien sûr. Alors quel type? Bon, bah, il y a plusieurs types de déodorants chez Rexona et ils sont tous plus ou moins longue durée avec plein de différences entre eux. Parce que j'en ai vu de 72 heures. Ah. Mais ça veut dire qu'on prend pas de douche pour l'instant. Bah, c'est ça, peut-être qu'on prend plus de douche, c'est terminé. Grâce à Rexona, on a plus besoin de se laver. Et voilà, on assume chez Rexona. Alors je rappelle aux gens, et notamment à ceux qui prennent le métro, qu'il ne suffit pas d'acheter du déodorant. Hein, il faut le mettre aussi, sinon ça sert à rien. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour m'éviter de saigner du nez à 8h du mat, ça veut dire beaucoup. À Roland-Garros, il n'y a pas que les joueurs qui transpirent d'ailleurs, il y a aussi ceux qui s'occupent des cours, de la fameuse terre battue. Je les ai interrogés aussi. Vous n'avez pas de problème avec l'association SOS Terre Battue? Non, ils sont contents, on fait du bon travail cette année. Parce que c'est les protecteurs de la terre, ils militent pour qu'on arrête de battre la terre. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Il y en a qui font ça? Ben oui. C'est des bêtises ou c'est des... C'est possible. Non, c'est qui s'occupe d'autre chose que de ça, parce que c'est quand même un beau tournoi, ça serait dommage qu'on le perde. Ben oui, ce serait dommage de le perdre, mais ce serait dans la tradition française, la fameuse tradition française de la défaite. Roland-Garros est connu pour sa terre battue, mais aussi pour ses joueurs français battus. Puisque la phrase... Ben oui, je vous rappelle que la phrase « il n'y a plus aucun Français en lice à Roland-Garros », c'est comme la phrase « un élu UMP a été mis en examen » ou « André Manoukian accusé de harcèlement sexuel ». Ben, on y est habitué, ce sont des phrases types. Alors, des Français, il y en avait beaucoup en lice hier, et il y avait donc tout naturellement des supporters français. On a vu Chardy Kubot contre les frères Brian, perdu malheureusement, et Mahut aussi, avec Herbert, on perdu aussi, en double. Et vous portez pas chance aux Français? Non, on portait pas chance aux Français, on s'est mis après devant l'écran géant de Tsonga, et il menait 5-4, et il a perdu 7-6, donc effectivement on porte la poisse. On a eu... Donc là vous allez voir Gilles Simon pour qu'il se fasse sortir aussi. Il nous a pas attendu. Oui, c'est vrai, il nous a pas attendu, parce qu'il fallait pas arriver en retard, a été battu en 3-7 le Gilou, et c'est le premier Français dans le classement mondial, hein, faut le rappeler, c'est pour vous dire les autres, et ça nous rappelle la fameuse phrase de Jean-Paul Lotte. Bien évidemment, il y a quelques années, je le cite, attention au coup droit du jeune Français qui pourrait bien déstabiliser Pete Sampras. Et le score, hein, 6-0, 6-0, 6-0 pour Pete Sampras, évidemment. Alors, pour l'instant, seul Tsonga est qualifié pour les quarts de finale, hein, soyons honnêtes. Et j'espère pour lui qu'il va pas gagner le tournoi. Hein, je vous rappelle le destin du dernier Français qui a gagné. Faire des concerts pieds nus, écrire des chansons qui feraient passer Benamar pour Léo Ferré et poser en slip sur les abribus. Voilà, merci beaucoup. C'est pas une carrière, on dirait une liste de gaz dans un enterrement de vie de garçon, c'est pas possible. Bon, autre Français, Gaël Monfils, hein, qui jouait hier contre Roger Federer. J'ai interrogé ce même supporter français sur le fameux dilemme. Entre Gaël Monfils et Roger Federer, vous allez soutenir quel Suisse? Oh, c'est une question qui est un peu médisante, parce que bon, hein, c'est très français, ça, de critiquer nos Français qui sont en Suisse, mais je pense que si on avait tous le même potentiel financier, on ferait peut-être tous la même chose. Parce qu'ils ont été formés en France quand même, hein? Ouais, avec vos impôts et tout? Ouais, avec nos impôts. C'est quoi ces questions? Bah, des questions qui gênent un petit peu, mais bon, ce sont des questions qu'il vaut mieux ne pas se poser quand on est contribuable. Hein. Comme ça, on est tranquille. C'est l'équivalent d'une sodomie sous anesthésie, vous voyez, hein, pour prendre une image. Alors, je parle des contribuables français, parce que pour les Suisses, c'est tout bénef, évidemment. Et il y en avait hier des Suisses à Roland-Garros. Alors, qui est-ce qu'ils soutenaient entre leurs deux compatriotes? Ah, clairement Federer, parce que mon fils, il n'est pas vraiment suisse. Bah, il habite chez vous. Et il habite, mais c'est juste pour les sous. Ah, vous pensez ? Ah, je suis pas sûr qu'il se sente vraiment suisse, parce que s'il était vraiment suisse, il serait venu gagner la Coupe Davis avec nous. Mais non, on l'a dit, gagner et français, ce n'est pas compatible. J'en veux pour preuve les deux derniers sets de Gaël Monfils aujourd'hui, hein, 6-4, 6-1. Alors, vous qui nous écoutez en rentrant du travail, merci d'avoir financé la formation des futurs millionnaires à Babal qui perdent sans même cotiser à la Sécu. Pensez-y aussi en repartant au boulot demain matin, même si vous oubliez de mettre du déo, c'est pas grave, parce qu'il y a quelque chose qui pue encore plus que vos aisselles, c'est le comportement de ces exilés fiscaux. Merci Guillaume Meurice. Le grand reportage de façon impartiale, Vanessa Schneider. Ouais, c'est bien. Hein, c'est impartial. Guillaume, pas loin. Guillaume, vous vous moquez des Français, mais est-ce que vous connaissez l'origine du mot tennis ? Non, alors dites-moi. Non, eh bien, c'est un mot français, le jeu de paume, on disait tenez quand on va jeter la balle à l'autre, et les Anglais en ont fait tennis. Tenez. Alors on va vérifier ça quand même. C'est bien vrai, c'est Blaise Pascal. Non, c'est pas la peine. Quand même, on est en compagnie de Vanessa Schneider, grand reporter au Monde. J'aimerais qu'on recoupe nos sources, s'il vous plaît. Alex Vizorek, vous allez commettre des méfaits à Guillaume Meurice à la fin de l'année. Mais oui, on vous l'annonce en premier, auditeur. Si tu écoutes, j'annule tout. On sera avec Guillaume Meurice et un troisième Lascar César à la salle Gaveau le 25 juin pour une date exceptionnelle. Oui. Et on va donner des places aux gens qui nous écoutent parce qu'on les aime bien, quitte à... et puis si eux nous aiment bien. Et parce qu'ils sont pauvres aussi. La salle Gaveau, cette grande salle de musique. Et, ouais. Et la salle qui a accueilli Sarkozy pour son discours de victoire. Effectivement. Nous ne sommes pas les premiers humoristes. Allez, on en revient à la politique et aux coulisses de l'Élysée. Tiens, en compagnie de Vanessa Schneider, la politique spectacle serait née avec L'heure de vérité, l'émission c'est Henri de Virieux, François Henri de Virieux, voilà. C'est le dossier de M, le magazine du Monde, et c'est à partir de là que le bon client qui fait de l'audimat semble avoir pris le pas sur le politique qui a les mains dans le cambouis. Alors, si vous n'étiez pas là cet après-midi, nous avons passé 2 heures en compagnie de la présidente de la région Poitou-Charentes, Ségolène Royal, et je voudrais revenir sur l'importance des médias. Notre invité, quelqu'un de chaleureux qui vient des Pyrénées, il vient de Pau. Il a été un de nos premiers invités politiques à la création de l'émission il y a 10 ans déjà. Voici François Bayrou. Voilà ce qu'écrivait Libération. Besancenot chez Drucker, le trotskisme est-il soluble dans Vivement Dimanche ? Dernière question, est-ce que vous vous êtes senti dilué aujourd'hui ? Non, pas trop. Monsieur le Président, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas depuis des mois, mais pour Jean-Paul Belmondo, vous faites une exception. Ah oui, ce sera la seule d'ailleurs, c'est pour Jean-Paul Belmondo, mais je crois que c'est un devoir pour tout Français. Ah, la belle époque. C'est le dossier de M, le magazine du Monde. Et la télévision créa la politique spectacle à partir de L'heure de vérité, où Jacques Chirac emmène Isabelle Adjani, où Jack Lang amène Sagan ou Nureyev, et Jean-Marie Le Pen naît à la télévision. Et voilà comment Besancenot se retrouve un jour chez Drucker. Alors, je me suis posé la question, avec votre livre, Vanessa Schneider, est-ce que l'aboutissement de tout cela, de cette politique spectacle, c'est cette appétence pour les coulisses aussi du politique, d'aller de plus en plus essayer de savoir qui ils sont, ce qu'ils font, comment ils vivent leur quotidien ? Parce que dans votre ouvrage, l'énigmatique Monsieur Hollande, dans les coulisses de l'Élysée, chez Stock, on est vraiment dans le quotidien et dans les cuisines de l'Élysée. Est-ce que ça fait partie de cette lignée de l'intérêt pour le politique dans sa vie ? Je pense qu'il y a un goût, oui, il y a un goût des lecteurs ou des téléspectateurs de voir les hommes politiques de façon plus proche. Alors en même temps, c'est une réaction qui est très ambivalente parce qu'ils ont à la fois envie que l'homme politique soit un peu au-dessus, que les chefs d'État incarnent une dimension un peu de monarque républicain. On reproche justement à François Hollande d'être trop comme Monsieur Tout le Monde, et en même temps, on a envie de connaître tout, de leur petite manie, de ce qu'ils mangent, de qui ils voient, on exige qu'ils aient de la hauteur, mais on veut connaître la couleur de leur slip. Tout le monde, et voilà. Mais pour revenir à l'émission, L'heure de vérité, c'était très sobre, hein, à côté de ce qui se passe maintenant, où on a quand même Emmanuel Macron qui pousse la chansonnette dès qu'on lui met un micro sous le nez. c'était pas du tout, c'était très très sérieux. Mais c'est vrai que c'était la première fois que des hommes politiques choisissaient, il y avait un public derrière, donc ils faisaient venir des stars, des people, comme on dit, pour montrer qui était leur soutien. Donc c'est en effet un peu le début de la politique de paillettes. Et vous, pour le livre, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est vous qui avez dit toc toc, François Hollande, j'aimerais bien venir. Oui, c'est moi qui ai demandé. Mais moi, j'avais demandé aux prédécesseurs avant, et ça m'avait toujours été refusé. C'est-à-dire qui... Ah oui, oui, non, mais sous Chirac, il n'en était pas question, et sous Nicolas Sarkozy, il n'en était pas question non plus. Donc là, c'était la première fois qu'un président autorisait un journaliste de presse écrite à rester autant de temps, et puis dans des lieux aussi différents, en gros, dans. On a reçu Mathieu Sapin aussi qui a fait une BD là-dessus, donc je suppose qu'avant lui il s'est dit que c'était une bonne façon, ça lui servait un petit peu quand même. Bien sûr, y a évidemment une technique de communication de la part de François Hollande. Je pense que c'est d'abord c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec les médias. En plus, il était moi la première fois que j'ai fait l'immersion à l'Élysée, c'était au mois de septembre, il était au fond du trou, hein, donc je pense qu'il s'est clairement dit de toute façon j'ai rien à perdre quand on est rejeté par 8 Français sur 10. Non mais quand on est rejeté par 8 Français sur 10, on se dit j'ai rien à perdre à ouvrir les portes, oui, puisque voilà, autant qu'on me voit au travail, autant qu'on me voit tel que bon, et souvent chez les politiques il y a un espèce de sentiment de d'incompréhension parce que on a l'impression que voilà qu'ils travaillent et que c'est pas perçu, donc et on veut montrer qu'on travaille, donc c'est l'idée d'ouvrir les portes, donc évidemment il y a une opération de communication. Après c'est aussi une prise de risque, puisqu'à partir du moment où on est là, on entend des choses ou on voit des choses qui préférerait sûrement ne pas toujours montrer. Et une pièce maîtresse de l'Élysée, c'est sans doute sa bibliothèque, n'est-ce pas ? Oui, il y avait cette femme, la photo. C'est pas quelqu'un qui dit beaucoup. Hein. C'est pas le président le plus lecteur. Non, il dit très peu. On n'a rien touché depuis Mitterrand, quoi. Grosso modo. Je pense pas qu'il utilise beaucoup la bibliothèque. C'est Fleur Pellerin qui squatte la bibliothèque, il paraît. Bah oui. Étonnant. Clara Dupont-Moneau. Vous êtes là, Clara Dupont-Moneau. Oui, puisque l'actualité, c'est aussi le tournoi masculin de double qui s'est tenu hier à Roland-Garros avec un coup exceptionnel du Polonais Lukasz Kubot, qui a renvoyé la balle avec sa raquette dans le dos. Et oui, et ça c'est très rare. Et en plus, il l'a fait de manière mais quasi désinvolte. Et du coup, son adversaire Bob Bryan s'est prosterné sur le court de tennis pour le remercier. Donc Jean-Paul Loth, Guillaume Meurice, en aurait vraiment perdu son latin. Et alors, ce qui est intéressant dans ce petit geste qui n'a l'air de rien, c'est que Lukasz Kubot ne le sait sans doute pas, mais son geste, en fait, il porte un nom. Je suis cool. Voilà, et ce nom, c'est cool. C'est-à-dire, c'est un geste souple, habile, créatif, étonnant, mais qui semble facile. En fait, c'est exactement un geste en phase avec notre époque qui ne jure que par le cool. Il y a des gestes comme ça qui résument à eux seuls la sensibilité d'une époque. C'est « Oh tiens, j'ai renvoyé la balle dans le dos. Oh tiens, j'ai laissé échapper mon sein en allant à Cannes. J'ai attrapé une mouche en pleine interview. » Vous vous souvenez Barack Obama, hop, qui était en pleine interview en 2009 et qui attrape une mouche comme ça au vol. L'air de rien. C'est Emmanuel Macron qui pousse la chansonnette. Ou c'est « J'improvise ma chronique de 17 minutes à la André Manoukian. » C'est-à-dire qu'à un moment, on entaille la norme, l'air de rien, on fait une brèche dans cette norme, on prend un risque, mais le résultat tient la route, attitude cool. Alors pour décrypter cette tendance au cool, qui n'est pas si récente, il y a un livre qui vient de sortir, qui est passionnant et qui s'appelle « Le cool dans nos veines, histoire d'une sensibilité » de Jean-Marie Durand, et il est paru chez Robert Laffont. Alors Jean-Marie Durand, il est parti d'un constat très simple, c'est que tout le monde dit « cool ». Tout le temps. C'est un mot qu'on emploie à tout bout de champ. On s'en sert pour clore une discussion. Ok, à demain, cool. Voilà. On s'en sert pour apaiser une tension. Keep cool. Ou on s'en sert pour ne pas dire dynamique, joli, gay, sympa, facile. Autrement dit, ça porte un nom, ça s'appelle un mot valise. Alors lui, il va procéder à une sorte d'archéologie du cool. Et il rappelle que le cool, en fait, est le produit de deux choses. D'abord, de la nonchalance des courtisans au moment de la Renaissance. Et ensuite, de la résistance des esclaves africains aux États-Unis au XVIIe siècle. Ça, c'est pour vous, André Manoukian. Mm-hmm. Mais les premiers, les courtisans, ils ont apporté le côté désinvolte, le côté nonchalant, limite un peu aristocratique. Et les seconds, eux, ils ont apporté la dimension de rébellion qu'apporte en fait ce détachement. Et d'ailleurs, dans la vieille civilisation africaine Yoruba, qui est votre meilleur ami, eh bien l'idée de sang-froid est très présente. Ils appellent ça itoutou. C'est le concept de la civilisation Yoruba qui veut dire le sang-froid. Et je rappelle que cool, initialement, signifie froid. Le itoutou qui n'est pas un chien connecté. Ça, il faut le dire. Non, c'est un concept Yoruba des vieilles civilisations africaines. Et le cool... J'ai failli la faire, je l'ai fermée, moi. Vous êtes un peu plus respectueuse que certains. Pardon. Et je vous rappelle que le cool signifie froid. Donc déjà, le cool joue le rôle de contre-feu, en fait. Vous voyez, le côté j'apaise la tension. Cool, c'est aussi une expression qu'on utilisait pour le petit Grégory. Ça, c'est encore pire. Ah, ça, bravo, jamais fait. Ça, bravo, bravo. Ouais. Non, ça, j'avais pas osé. Vous deux, là, vous faites un concours? Ouais, voilà. Que... Bah, vous mettez-moi au courant quand c'est comme ça, que j'arbitre au moins. Voilà. 15-15. Voilà, à la Jean-Paul Lotte. Clara, reprenez sur les yoga. Je veux bien. Oui, parce que. Non, mais surtout qu'en plus, c'est le jazzman Miles Davis, comme par hasard. Qui a inventé la. En 57, qui lance en fait l'acte de naissance officiel du cool avec une chanson qui est Birth of the Cool. Yes. Et mine de rien, ce que vous entendez là, c'est qu'il a inventé le cool jazz. Je parle sous votre autorité, André Manoukian, mais c'est-à-dire, on va le dire pour le faire court, un jazz moins bouillonnant que le bebop à l'époque, qui était plus travaillé, plus froid, donc on y revient. Et c'est comme si l'Amérique, écrit Jean-Marie Durand, avait façonné, je cite, le contre-feu à sa propre violence, comme un art d'adoucir son propre brasier. Donc autrement dit, les règles sont dures, le jeu est violent, le rêve n'existe pas, et ben le cool fluidifie tout ça, permet le recul, le pas de côté qui rend la vie un peu plus supportable. Alors évidemment, une telle règle de vie, en plus planétairement adoptée, ne pouvait que plaire au capitalisme, votre pire ennemi, Guillaume Meurice. Mais Jean-Marie Durand insiste volontiers sur cette dérive. C'est vrai qu'aujourd'hui, une multinationale dit à ses employés « sois cool ». Elle dit pas « défonce-toi comme une bête et donne-moi ta vie ». Elle dit « sois cool ». Eh ben oui, on a vu que toute publicité jouait le registre du cool. Il y a une marchandisation de la coolitude qui est très pratique, surtout pour les grande holding. Et il y a le risque évidemment que le cool, qui était le garant d'une forme de résistance, eh ben en fait devienne le dernier des conformismes. Voilà, je sais pas si cette chronique était cool, mais je vous redonne les références. Elle le était cool, swag. C'est ça, le cool dans nos veines, de Jean-Marie Durand, histoire d'une sensibilité, c'est paru chez Robert Laffont. Merci Clara Dupont-Mono. Et d'ailleurs, où est le cool? C'est une rubrique des Inrock chaque semaine. Toujours faire un petit coucou aux Inrock, ça peut servir. Et Jean-Marie Durand, vous êtes bien sur Inrockutible. Ah voilà, ouais. Bah, c'est ça. Vous êtes bien sur France Inter, nous sommes en compagnie de Vanessa Schneider, grand reporter au Monde. On est allé avec elle dans les coulisses de l'Élysée, bien sûr, mais on va parler du troisième sujet, c'est Libération, là où vous avez commencé votre carrière au service politique, Vanessa Schneider. Libération, nouvelle formule, sort aujourd'hui, une nouvelle formule enrichie avec plein de couleurs dans les pages. Eureka ! J'ai trouvé la formule toute nouvelle ! Il a la formule, oui, vous avez les gènes à toute température. Faut s'imaginer Laurent Geoffrin. C'était bien. Je sais que c'est dur de s'imaginer Laurent Geoffrin. Chanter, il a la formule. Laurent Geoffrin connu pour son grand humour, bien sûr. Un humour autant que ses titres dans Libération. On l'embrasse. Bonjour aux collègues, comme dirait Michel Drucker. Alors, comme beaucoup de journaux, Libération change souvent de formule. Elle est toute colorée, la nouvelle formule. Et donc, Libération change autant souvent de formule que de directeur. Presque. Alors là, on est diamétralement opposé à ce qui se fait au Monde, par exemple, dans la maquette. Alors, je vous encourage à acheter la presse, hein, chers auditeurs, parce que nous, on se régale. Quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, on se régale. Oui, alors, sauf une certaine presse. Oui, c'est plus de la presse. Alors. Là, on est diamétralement opposé au Monde. Les nouvelles ça formules. Ça vous laisse ça vous non, mais non, mais parce que ça moi, fait je... vendre les nouvelles formules, Vanessa Schneider. Bah, c'est le but. Hein. Le but, c'est quand un journal perd des lecteurs, on essaye de trouver des solutions pour au moins les garder ou en rattraper d'autres. Et à chaque fois, c'est où mettre le curseur. Donc, le choix du Monde, ça avait été de faire une modification de maquette. Tel que, on s'en souvient plus, en fait, qu'il y a eu un changement de maquette. Non, mais les gens s'habituent très, très vite. La Libération a fait un choix beaucoup plus audacieux, puisqu'ils ont changé énormément de choses dans la typo, dans la mise en page, dans les formats. Il y a une typo spéciale Libé. Voilà. Mais ils n'ont pas changé le contenu. Est-ce que c'est pas un peu prendre les lecteurs pour des cons? C'est un produit marketing comme un autre, un journal. Enfin, c'est un produit. Mais à un moment donné, s'ils perdent des lecteurs, demander, c'est peut-être qu'il y a une raison. Il faut donner envie aux gens de le lire. Donc voilà, donc on essaye des choses. C'est très risqué parce que ça peut dérouter le peu qui reste. Hein. Le peu de lecteurs qui reste peut se sentir aussi dérouté et pas se reconnaître. Donc, on va c'est toujours faire risquer, le plus une nouvelle court. Formule. Alors il y a des longs formats encore dans Libé. Heureusement, il y a des doubles pages, de l'approfondissement, etc. Mais il y a aussi la première partie avec des articles très très courts. Vous aussi, au Monde, on vous demande parfois de faire plus court. Vous avez ce sentiment-là ou pas? Il y a les deux, c'est-à-dire que avec Internet, on fait de plus en plus de cours et en même temps, on se rend compte que pour vendre un journal, parce qu'on vend nos journaux très cher, là, Libé a augmenté son prix de vente à 2 euros. Nous, on a passé la barre des 2 euros. Donc, mais l'information, ça se paye. Il y a quand même des gens qui travaillent derrière. Ça se paye, mais il faut aussi en donner aux gens du contenu. Donc, d'où les enquêtes, les longs formats qu'on qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Et les très longs formats qu'on trouve aussi dans M Le Monde, bien sûr, puisque vous écrivez autant dans l'un que dans l'autre. Et donc, achetez la presse. Mais bon, il faut espérer que ça marche. Moi, c'est un journal auquel... je reste très attachée. Ben nous aussi, on est très attachés. Et on salue Rothschild, propriétaire de Libération. Il faut espérer que ça marche, mais c'est vrai que c'est un peu déroutant là, ouais, de voir ça. Et c'est notre matière première, comme parfois la radio et la télé, Alex. Allons-y. Oui. What do you want? Yes. No problem. Needs a no. Oui. This is not a method. News au kilo. There is a bit more. Vous le mettez? Again, the no. Et vous allez parler aux Français de notre fameux concours en Belgique, le concours de musique Reine Elisabeth. Oui, je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est une institution pour les jeunes musiciens du monde entier. André, vous connaissez ça sans doute. C'est le plus prestigieux des concours de musique classique créé en 53. Il dure 3 grosses semaines et les finales sont diffusées à la télé en direct depuis le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Bref, c'est du tout au vol. Je vous propose de revenir sur la remise du premier prix. Voilà la proclamation tant attendue de ce concours de violon 2015. Premier prix, Grand Prix international Reine Elisabeth, prix de la Reine Mathilde, Lim Ji-young. Et là, la salle applaudit, la candidate coréenne n'en croit pas ses yeux, elle monte sur scène, elle est en larmes, elle salue la foule, le visage entre ses mains. Puis elle se retourne vers le jury qui est un peu surpris, il lui fait des gestes, elle reprend le chemin des coulisses, une autre candidate coréenne également apparaît, salue, mais... Oui, il y a deux candidates coréennes. Une confusion inédite évidemment dans l'histoire du concours entre Lim Ji-young qui a joué hier et Lim Ji-young qui a joué ce soir. Voilà. Un malentendu particulièrement gênant sur le moment qui deviendra une petite anecdote de l'histoire du concours. Un point de détail. Ce premier prix eh bien, vaut à la candidate la somme de 25 000 euros et puis le prix qui est un Stradivarius de 1708. Moi ça m'arrivait. Hein. Il y a des gens qui ont pas de chance. Ça m'arrivait. Dans les concours d'humoristes, ça m'est arrivé avec les gens prononçaient Alex Vizorek. Mais pas moi ne vous méprenez pas. Vanessa Schneider était avec nous. Merci beaucoup, Vanessa Schneider. Merci. Je rappelle votre ouvrage, L'énigmatique Monsieur Hollande dans les coulisses de l'Élysée. Les textes de Vanessa Schneider, les photos de Jean-Claude Coutos. C'est paru chez Stock si vous êtes c'est curieux. C'est le plus beau livre politique qu'on ait eu à commenter. Voilà. C'est vrai que les autres, merci. C'était bien de la merde. On vous laisse avec les prémices de la politique spectacle et c'est extrêmement de l'heure de vérité. Philippe, je crois que c'est peut-être à monsieur le ministre de le dire lui-même. Vous êtes un bel enfoiré. Oui, je suis un bel enfoiré. Ben voilà.